Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le grand classique de la littérature, Les Mille et Une Nuits. Aladdin! Aladdin! Tu m'as appelé. Me voici. Que veux-tu, Aladdin? Que veux-tu? Génie, qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu. Si tu en as le pouvoir, sauve-moi, génie! Génie, je t'en supplie! Le conte d'Aladin et de la lampe merveilleuse présenté à notre radio en 1945 est probablement l'un des contes les plus connus des Mille et Une Nuits. Et si les Mille et Une Nuits n'est pas un chef-d'œuvre d'écriture par sa langue ou par sa syntaxe, cet ouvrage-là n'en reste pas moins l'un des plus importants, l'un des plus connus de la littérature mondiale. On peut même dire que cette œuvre fait en quelque sorte partie du patrimoine culturel universel. Quand j'étais petite, je détestais Shahrazad. Je me disais, mais pourquoi elle reste assise là à raconter des histoires à Shahriar, le roi, pour qu'il ne la tue pas? Mais pourquoi elle ne l'empoisonne pas? Elle est devenue sa prisonnière, son esclave. Et quand j'ai lu toutes les histoires, je me suis dit, mais Shahrazad, c'était la première féministe. Elle s'est battue pour toutes les femmes et pour l'humanité. Les Mille et Une Nuits sont une allégorie sur la façon dont les gens devraient être traités, avec justice. C'est très érotique. J'ai été tellement émue de lire, dans un langage très simple, des passages sur l'acte d'amour, sur la passion et sur le désir. Je me suis dit, mais mon Dieu, il y a 1000 ans, les gens, la société, étaient si libres, si ouverts. Pourquoi tout ces complexes aujourd'hui? D'où est-ce que tout cela est venu? Les Mille et Une Nuits, interprétées par la grande chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, mais juste avant, vous entendiez l'écrivaine libanaise Anan El-Sheikh dans une entrevue diffusée à TV5 Monde en 2014 pour nous raconter la très longue histoire des contes des Mille et Une Nuits. Je reçois l'historien et ami de l'émission Raphaël Welland. Raphaël Welland, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Raphaël Welland, à peu près tout le monde connaît ou a entendu parler à tout le moins des Mille et Une Nuits. Parfois même, on se souvient de quelques fragments de ces Mille et Une Nuits sans vraiment le réaliser. Comment expliquer que cette œuvre-là soit si connue un peu partout dans le monde, Raphaël? Évidemment, aujourd'hui, c'est une œuvre qui a été reprise par toutes sortes d'artistes, par toutes sortes de conglomérats, hein, qui n'a pas regardé un dessin animé parlant d'un des contes de ces Mille et Une Nuits. Mais si ils ont été repris comme ça, c'est parce que les Mille et Une Nuits portent un message universel. C'est une œuvre vraiment universelle, à la fois par ses origines, parce qu'elle emprunte à des traditions très diverses. Ensuite, par les thèmes qui sont abordés, on a déjà parlé de justice, mais on parle aussi d'amour, on parle de trahison, ça vient chercher quelque chose un peu partout et chez tout le monde. Puis ensuite, il y a le côté de la facilité de lecture. C'est pas un texte intellectuel, le vocabulaire est assez pauvre, la syntaxe n'est pas toujours correcte, on est vraiment dans la langue parlée. Et tout ça, ça fait que les Mille et Une Nuits parlent à tout le monde, et donc que tout le monde en parle depuis maintenant plus de 1000 ans. Et qu'est-ce que c'est de fait que les Mille et Une Nuits, avant même de parler de l'histoire, de ce que ça raconte, on décrit souvent ça comme une série de contes arabes, oui, mais en même temps, c'est plus complexe que ça. Oui, alors évidemment, les Mille et Une Nuits, c'est un ensemble de récits, et je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il y en a 1001, mais en vérité, selon les époques, il va y en avoir un peu plus ou un peu moins. Et effectivement, ce sont des récits qui sont en langue arabe. Il y en a quelques-uns qui sont très connus, Simbad le marin, Ali Baba les 40 voleurs, et surtout Aladdin, qu'on a entendu tout à l'heure, ouais. Et qui est souvent considéré dans différents sondages comme le conte le plus connu du monde. La vérité, par contre, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres de ces récits qui sont moins connus et ils ne prennent pas tous la forme d'un récit pour enfants. On va prendre toutes sortes de formes. Il y a des récits en poésie, il y a des récits d'épopée, il y a beaucoup de contes érotiques aussi. C'est des récits qui sont tous très divers, mais qui sont dans un même environnement. On est au Moyen-Âge, au Moyen-Orient, surtout en Irak et en Iran. On a des histoires de califes, de princesses, de vizirs, d'imams, de caravanes qui se promènent dans des paysages de déserts, de montagnes, de larges fleuves. Donc il y a un environnement particulier, un peu mythique, avec tous ces récits qui tournent autour de ça. Ouais. Et ça raconte, bon, mille et une nuits, mais autrement, il y a une astuce, en fait, dans, et ça fait peut-être partie du fait qu'encore aujourd'hui, cette œuvre-là soit aussi connue et tellement lue, Raphaël Welland. Il y a une trame, il y a sur le plan du storytelling, passez-moi l'expression, quelque chose pour l'époque, en tout cas, de très, très moderne. Mais parlez-moi de ça, de ce que raconte, de cette trame-là qui relie ces mille et une nuits. Oui, en fait, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le récit cadre. Donc, vous avez mille et une histoires, mais elles sont contenues à l'intérieur d'un récit cadre. Ce récit cadre, ça a une histoire. Alors, ça commence avec un roi, le roi Shahriar, qui se présente comme le roi d'un empire, donc au Moyen-Orient, de l'Irak à l'Inde, grosso modo. Le malheureux Shahriar a une épouse qui le trompe, et cette épouse est plus malheureuse encore parce qu'il décide de l'exécuter pour se venger. Oui. Ça lui cause, donc évidemment, bon, il y a ce côté de vengeance, mais il y a aussi presque une sorte de traumatisme chez Shahriar d'avoir été trompé, qui fait qu'il ne veut plus jamais subir ce traumatisme à nouveau, et donc il a un plan. Chaque soir, il va épouser une nouvelle jeune fille, et le matin, il la fera exécuter. Comme ça, évidemment, il ne revivra plus le traumatisme, il se venge à l'avance, on peut dire. Là arrive une jeune fille, la belle Scheherazade, qui est la fille d'un de ses ministres. Elle décide de se porter volontaire pour faire cesser le carnage. Elle se marie avec l'ogre Shahriar, mais avec un plan en tête. Chaque soir, elle lui raconte une histoire, et quand arrive l'aube, eh bien, elle s'arrête au moment le plus captivant de l'histoire. Et donc, évidemment, Shahriar est obligé de sursoir à l'exécution s'il veut entendre la fin. Ainsi se passent mille et une nuits, et à la fin, il décide à nouveau de faire confiance à la vie, à l'amour et à cette femme. Il la garde, et dorénavant, ils vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est en cela que c'est très moderne, cette astuce d'écriture qu'on connaît aujourd'hui et qu'on reprend jusqu'à plus soif. Je pense aux séries télé, mais où à chaque fin d'épisode, il y a une chute tellement spectaculaire qu'on veut connaître au plus vite la suite. C'est déjà à Scheherazade dans les mille et une nuits qu'on doit ce procédé-là. Parlons des thèmes. Des grands thèmes qui sont abordés dans les Mille et Une Nuits. Quel est le grand message de ces contes des Mille et Une Nuits? Alors, évidemment, les récits ils vont couvrir des thèmes très nombreux, l'amour, la mort, le courage, mais on peut identifier, je dirais, deux thèmes principaux. Le premier, c'est la justice. Le roi agit injustement et plutôt que de l'empoisonner, par exemple, comme le racontait donc l'autrice du début de notre émission, Scheherazade va décider de prendre le temps de lui démontrer son erreur. Oui. Donc, d'une certaine manière, de lui faire un procès long pour le transformer plutôt que de s'en débarrasser. Donc, il y a cette idée de justice, de montrer ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Mais il y a aussi l'espoir de guérir du traumatisme de ce malheureux et terrible Shahriar, l'espoir de transformer un tyran injuste et féminicide en un souverain qui sera juste et ouvert à l'influence de son épouse. Parce que c'est comme ça aussi que va finir Shahriar. Ouais. Et puis la toile de fond, qui est aussi fascinante, qui nous fait voyager, vous avez déjà un peu évoqué ces décors des mille et une nuits, de manière un petit peu plus historique, documentaire, ce monde musulman, cette toile de fond qui nous montre le monde musulman au temps du Moyen-Âge, quelle valeur ça a justement sur le plan documentaire ou historique, Raphaël Welland? On peut dire qu'il y a certains éléments qui nous renseignent sur un monde réel et d'autres non. Il y a toutes sortes d'éléments à l'intérieur des récits qui correspondent à une certaine période, à un certain lieu. Je l'ai dit, donc l'Irak, l'Iran du Moyen-Âge, plus précisément le 8e, 9e siècle. Alors on va avoir, il y a un calife par exemple, qui est quelqu'un qui règne sur ces régions-là à ce moment-là. Il y a des vizirs qui sont ses ministres et qui interviennent régulièrement. Les caravanes qui se promènent le long de la route de la soie, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais il y a aussi la ville de Bagdad, au temps où elle était la plus grande et la plus riche cité de la Terre, donc vers 850-900, et ceci est le cadre principal, et les événements, les récits qui se passent à l'intérieur de ce cadre, évidemment, ils nous renseignent sur la vie quotidienne, sur certains événements même de cette période-là. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont anachroniques ou même mythiques. Il y a des animaux qui parlent. La justice triomphe toujours. Il y a des titres qui viennent de cultures ou de lieux, d'époques qui sont différentes. On va avoir un chat, donc le roi en iranien, un Raja, ça c'est plutôt l'Inde, le Khan qui vient de Mongolie, le sultan turc, le César romain ou byzantin, et les noms même des personnages principaux, Shahriar, Scheherazade, ce ne sont pas des noms arabes dieux vers 850 à Bagdad, mais plutôt des noms persans. Et ce mélange des genres, ce mélange des époques, il est normal, parce qu'en fait, les Mille et Une Nuits n'ont pas été créés en un seul bloc à une seule période, mais plutôt sur une très longue période de temps par des noms et par des personnes venant de lieux très différents. Alors parlons-en de la petite histoire de ces Mille et Une Nuits. À quand remontent les origines des Mille et Une Nuits? Alors, je l'ai dit, donc, ces Mille et Une Nuits, elles plongent effectivement leurs racines dans des cultures, des époques très différentes. On peut en fait faire ressortir plusieurs moments de création. D'abord, il y a certains des récits qui remontent au 3e siècle, donc avant notre période de Bagdad vers 850, avec des recueils de contes indiens. On a par exemple le récit cadre d'une princesse qui raconte une histoire pour sauver sa vie. Ça vient de cette période-là. On retrouve une première version à peu près complète de ce qu'on appelle les Mille et Une Nuits, donc grosso modo, le gros du travail, il est fait, vers 850, en arabe, par un copiste anonyme qui vient de la région de Bagdad. Donc c'est à ce moment-là, vers 850, le 9e siècle à Bagdad, que vous avez les Mille et Une Nuits. Mais ces Mille et Une Nuits arabes, elles reprennent donc des contes indiens et un récit iranien qui fait le pont entre la version arabe et la version indienne, qu'on appelle les Ezar Afsana, qui lui date de 500-600 dans l'Iran de cette période-là. Et puis surtout, c'est pas terminé, parce que après 850, la liste des mille et un contes va varier. Les contes eux-mêmes vont parfois évoluer à l'intérieur du récit. Vous allez avoir par exemple des fois le Nil qui va remplacer le Tigre et l'Euphrate, parce que on raconte le récit ou on écrit le récit en Égypte plutôt qu'en Irak. Et surtout, il va y avoir quelqu'un qui va venir ajouter les récits les plus célèbres. Ali Baba, Aladdin, Simbad, il n'existe pas encore au 9e siècle, dans la version du 9e siècle. C'est un orientaliste français qui s'appelle Antoine Galland, qui va être le premier à traduire les Mille et Une Nuits dans une langue occidentale, qui va, vers 1700, intégrer ses récits les plus célèbres à ces Mille et Une Nuits. C'est vraiment lui qui... En fait, c'est par lui que la francophonie découvre les Mille et Une Nuits. Oui, la francophonie, oui, même si les textes, les récits avaient été traduits avant ça en grec, en latin, dans toutes sortes de langues, mais en français, c'est vraiment Galland. Alors Galland, c'est un professeur de langue et de culture du Moyen-Orient à la cour de Louis XIV, donc on est vers 1700. Il y a un grand intérêt pour la culture du Moyen-Orient à cette époque-là. Et Galland, dans des voyages, dans des études, va se familiariser avec les récits des Mille et Une Nuits et il va en être fasciné. Et il va entreprendre de rassembler les contes, de les traduire, et puis d'en ajouter même, notamment après avoir rencontré un chrétien de Syrie, qui s'appelle Anna Diab, et qui est celui en fait qui apparemment va lui raconter ce récit d'Aladin. Ouais. Alors on dit que ce Anna Diab serait le créateur d'Aladin, mais lui-même l'aurait entendu de quelqu'un d'autre, on ne sait pas exactement. Dans tous les cas, Anna Diab le raconte à Antoine Galland, Antoine Galland le met par écrit, et ça arrive jusqu'à nous. Revenons au personnage de Scheherazade, on en a parlé déjà, puis c'est normal parce qu'il est vraiment central, ce personnage, au conte des Mille et Une Nuits. Comment sera perçu ce personnage? On en avait une petite idée déjà au tout début de l'émission avec l'extrait qu'on entendait, mais comment va être perçu ce personnage? Comment va évoluer notre perception face à Scheherazade? Et comment l'Occident, entre autres, va décoder Scheherazade et toute l'œuvre, toute cette œuvre des Mille et Une Nuits? On écoute à ce propos l'anthropologue et romancière Yara El-Gabdan à l'émission de Franco Nuovo, Dessine-moi un été en juillet 2020. Mais quand on grandit dans le monde arabo-musulman, c'est la première figure qui habite notre imaginaire. Qu'on soit homme ou femme, c'est Scheherazade. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, dans l'histoire littéraire et politique du monde arabo-musulman, il y a plein de figures féminines puissantes comme Scheherazade. Ce sont des femmes qui ont une caractéristique en commune, c'est que leur beauté et leur pouvoir émanaient directement de leur intelligence et leur savoir. Vous savez, dans l'imaginaire des Mille et Une Nuits, L'intelligence et la pensée sont le summum de l'érotisme féminin et ce qui rend les femmes résolument libres et impossibles à contraindre. Et ce sont ces qualités qui permettent à Scheherazade de renverser le rapport du pouvoir en tissant littéralement des toiles autour du prince Shahrayar qui devient lui le prisonnier de son imaginaire de femme. Et par la narration, donc, elle se libère, elle libère le royaume entier et elle civilise le prince barbare. Mais le problème, c'est que dans l'imaginaire occidental, on n'a pas rendu vraiment justice à cette Scheherazade. Et c'est Fatima Mernissi, la grande sociologue marocaine qui est décédée malheureusement en 2015, qui m'a allumée sur le tort que l'on a fait à Scheherazade dans l'imaginaire occidental. Ce qui arrive, c'est que dans les toiles, si on pense aux toiles orientalistes comme la grande odalisque ou l'odalisque à la culotte rouge de Matisse, tout ce qu'on voit, c'est une figure qui ne bouge pas, qui est passive. On a des femmes presque nues, complètement passives, le corps offert aux hommes dans des harems fantasmagoriques. Et ce qui est drôle, c'est que Mernissi nous dit, mais jamais dans les récits historiques ou littéraires arabo-musulmans, les femmes dans les harems n'étaient-elles nues, passives et surtout pas silencieuses? Face à une institution comme le harem qui cherchait à les emprisonner, elles se révoltaient constamment. Et elle raconte plein d'instants dans l'histoire arabo-musulmane où des femmes, justement, se vengeaient des hommes qui les emprisonnaient ou les trahissaient. Donc, loin d'être une espèce de fantasme, le harem, c'était un lieu de guerre, en fait, un lieu de grande tension pour l'homme qui risquait chaque fois sa vie quand il entrait parce qu'il sait qu'il entre... Il essaie de contrôler des femmes libres. Alors, que dire, Raphaël Wallan, de la perception qu'auront les Occidentaux d'un personnage comme celui de Scheherazade, mais plus largement, la perception qu'on aura des Mille et Une Nuits? Ben, c'est sûr que c'est un peu difficile de ne pas répéter ce que vient de dire ma collègue, parce que je suis plutôt d'accord avec elle. Effectivement, Scheherazade, elle n'est pas l'image qu'elle est devenue. Donc, on peut dire qu'à partir de Galamp, et surtout au XIXe siècle, il y a une sorte de fascination chez les Européens pour les femmes orientales, mais des femmes orientales auxquelles on ne s'intéresse pas en tant que vraie personne, mais plutôt comme une sorte de réceptacle dans lesquels on peut projeter tout un ensemble de fantasmes inavoués dans une société occidentale assez policée. Donc on va représenter ces femmes orientales mystérieuses, raffinées, manipulatrices, disponibles sexuellement. Et en fait, tout ce qu'on n'ose pas dire de nos mères, de nos sœurs, bon, c'est l'idée générale de la putain et de la mère, là. Ces femmes orientales, ce sont des putains. Et Scheherazade, c'est la plus grande de toutes, on peut dire les choses comme ça. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'elle est au départ. Elle est au contraire, justement, une femme qui, c'est la porteuse de la justice. C'est celle qui transforme le tyran. C'est la figure philosophique, intellectuelle, l'héroïne intelligente et sage par-dessus toute. Celle qui, justement, va pas avoir recours à son corps, à la violence, mais à la supériorité de l'intellect. Et évidemment, c'est pas du tout la Scheherazade qu'on a l'habitude de présenter. La femme qui se bat et qui combat pour toutes les femmes... en tout cas, elle va, et les Mille et Nuits vont inspirer énormément de créateurs au cinéma, à l'opéra, en fait, un peu partout, dans à peu près tous les arts, on va s'inspirer des Mille et Une Nuits. Le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini fait partie du lot. Il a réalisé une adaptation cinématographique des Mille et Une Nuits en 1974. Ibrizza, Ibrizza, guarda! Padre mio, come ti è venuto in mente di farmi vedere da uomini strani? Oui, c'est mon projet plus ambitieux parce que c'est un voyage dans le temps, mais en arrière. Parce que c'est vrai, les outils n'existent plus. Tout le monde, on dit en italien, c'est mappisé. Il n'y a plus des endroits qui ne sont pas dans les maps que nous avons sur la table. Les cartes. C'est-à-dire, les outils, en réalité, historiquement, n'existent plus. Mais on peut trouver des survivances, on dit comme ça, sopravivences, des survivances. Et c'est la recherche de ces survivances que j'ai fait dans mes films. Anche al rischio della mia vita, che tu sia il benvenuto. Pier Paolo Pasolini, l'un des très nombreux artistes qui vont s'intéresser aux Mille et Une Nuits. Qu'est-ce qui fait, Raphaël Wallan, que les Mille et Une Nuits vont intéresser autant de créateurs et vraiment de tout genre, la musique, cinéma, opéra et j'en passe? Ben je crois que Pasolini met le doigt dessus quand il parle de la recherche de l'exotisme. Moi, je parlerais d'un goût pour l'altérité, ce qui est différent. Ça va donc permettre d'aller chercher un monde complètement différent. Et pour toutes sortes d'artistes, ça va permettre, surtout au 19e siècle, dans un 20e siècle où parfois on va avoir de la difficulté à dire certaines choses, ben on peut un petit peu contourner les règles des bonnes mœurs, les règles de la censure, en plaçant des événements au Moyen-Orient, chez Scheherazade. Ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas représenter dans l'Europe du 19e ou du 20e siècle. Ouais. D'autre part, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ces Mille et une nuits, c'est l'universalité, la modernité des thèmes qui sont abordés. On l'a dit tout à l'heure, les Mille et une nuits sont quelque chose d'assez moderne dans leur structure, mais c'est aussi très novateur pour le Moyen-Âge, mais aujourd'hui assez commun, c'est-à-dire que ce sont des contes pour des grands-enfants, ouais. Pour des adultes qui ont envie de se délasser, de se laisser aller dans des intrigues assez légères, dans un roman d'été dans lequel on peut s'évader sans être dans la réflexion profonde, mais en même temps dans lequel on aborde des grands thèmes, dans lesquels on va se laisser emporter dans la réflexion, mais sans qu'on soit dans un ouvrage de théologie de philosophie. Ouais. Une petite colle pour vous, pour terminer cette émission, Raphaël Wallan. Borges avait coutume de dire que des Mille et une nuits, c'est la nuit 602, la 602e nuit qu'il trouvait la plus magique. Vous, laquelle choisiriez-vous? Alors, la nuit 602, effectivement, ça pourrait être un bon choix. Hein. C'est la nuit où Scheherazade décide qu'elle va raconter au roi sa propre histoire. Donc, elle lui tend un miroir. Elle fait preuve en même temps d'empathie parce qu'elle lui raconte comment est-ce qu'il se sent. Ça aurait pu être un bon choix. Mais moi, je vais préférer une nuit un peu plus, une nuit un peu avant. La nuit 578, c'est le début d'un conte qu'on appelle le conte des sept vizirs. C'est un conte qui est assez sexiste, hein, je vais vous dire. Il y a l'épouse d'un roi veut faire condamner son fils parce qu'il refuse ses avances. Et puis, il y a un long échange entre l'épouse et les sept vizirs. Chacun va raconter un conte, donc c'est un conte à l'intérieur d'un conte. Et chacun raconte un conte qui a comme thème la justice. Elle essaye de faire condamner, les vizirs essayent de sauver le jeune homme. Et au final, le prince va être libéré, l'épouse pardonnée. Mais c'est un gros et long récit sur la justice, sur comment est-ce qu'on doit rendre la justice, sur ce qui est juste. Et moi, ça me semble absolument merveilleux d'avoir ce genre de réflexion-là au 9e siècle après Jésus-Christ. Nuit 578, c'est bien noté. Raphaël Wallande, historien, habitué de l'émission, merci beaucoup. Merci Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.